Lancement d'un livre sur le sport à Saint-Gédéon qui a été écrit par une personnalité qui est quand même très connue dans la région, c'est Michel Simard, qui est entre autres l'ancien président du club de golf Lac-Saint-Jean. Question un peu savoir qu'est-ce qu'on retrouve dans ce livre-là. On lui parle. Salut Michel. Bonjour, Daniel. Michel, si on parlait un peu de ce livre-là, qu'est-ce qui t'a motivé à écrire ce livre-là? Ben, écoute, l'histoire des sports à Saint-Gédéon, d'abord, les premières démarches remontent à 1978, quand on avait organisé les retrouvailles des Lions de Saint-Gédéon, une équipe de hockey intermédiaire de catégorie C à l'époque, qui avait gagné le championnat provincial en 1963. Donc, il avait battu une formation de Montréal alors au centre Édouard Moffett. Et l'équipe des Lions avait été 2 ans sans subir la défaite à cette époque-là. Donc, ils ont eu un parcours, je te dis, un parcours fantastique. Et après les retrouvailles, j'ai dit un jour, j'écrirai cette histoire-là. Par la suite, il s'est développé d'autres sports à Saint-Gédéon. Les Lions ont laissé leur marque et ont aussi laissé leur marque, un leg à Saint-Gédéon. Donc, ils ont bâti les équipes gagnantes. Des équipes sportives gagnantes au ballon sur glace, à la balle lente, à la balle molle. Et plus récemment, l'équipe du Solaire de Saint-Gédéon au soccer. Donc, il y avait de quoi écrire une superbe belle histoire. Et à la retraite, j'ai dit, quand j'aurai le temps d'écrire, je prendrai le temps et je le ferai. Et c'est le projet que je me suis donné il y a quelques années, que je viens de compléter tout dernièrement en mai dernier. Le lancement du livre a eu lieu le vendredi dernier, le 22 juin. Et la réponse a été excellente. C'est un travail de longue haleine de recherche, parce que j'imagine, parce que là, tu sais, je veux dire, écrire le sport à Saint-Gédéon, c'est quand même pas, il n'y a pas beaucoup d'articles. Il a fallu que tu ailles des articles du quotidien, quoi, parler à du monde. Il y a eu un travail de recherche énorme. Mon livre compte 224 pages. J'ai tout près de 300 photos qui illustrent les activités du sport à Saint-Gédéon. Et je vais te dire, on retrouve, ben, quand, exemple, l'histoire du Solaire qui débute en 1980 et qui se termine en 2009. L'équipe a cessé ses activités en 2009, effectivement. Mais le Solaire, c'est une formation de niveau, en fait, régional, qui était une des grandes équipes au niveau de la région, presque imbattable pendant plusieurs années également. Donc, j'avais quand même beaucoup de ressources. Il fallait les trouver, il fallait les chercher, mais j'ai réussi à ramasser tout ça et à mettre ça dans un beau volume que les gens, je pense, les gens s'attendaient pas à une qualité aussi belle du travail, tant de la jaquette du livre que du contenu. Donc, les gens ne s'attendaient pas à une qualité d'ouvrage aussi belle. OK. Le sport à Saint-Gédéon aussi a occupé une grande place, de manière que tu peux voir. Parle-moi du ballon balai. Dans les années 70, le ballon balai, c'était très fort. 70-80, les équipes de Saint-Gédéon ont bien performé, là. Ben, l'équipe, moi, dans mon travail de recherche, je descends en 1956 OK. pour retrouver la place du ballon sur glace à Alma qui reprend un nouvel essor. Le ballon sur glace existait antérieurement à ces années-là, mais en 1956, avec Laval Tremblay de la pensée Molson, avec les gens de l'Hôtel Royal à Alma, le premier tournoi de ballon sur glace d'importance semi-provinciale a lieu en 1958 et c'est à partir de ces histoires-là que mon travail sur le ballon sur glace débute. Saint-Gédéon, les principales équipes qui ont fait en fait leur loi peut-être pendant quelques années débutent en 1973 avec l'équipe de l'Oiseau Bleu, les gens qui ont bien connu. Par la suite, l'équipe du Ski Ranch. Et également l'équipe de chez Judith, qui est un commanditaire d'Alma, mais les joueurs étaient tous de Saint-Gédéon. Donc, l'équipe de chez Judith pense que c'est elle qui s'est le plus affirmée quand on voit les statistiques finales, les résultats là, de cette formation-là. Donc, le ballon sur glace a été une belle époque à Saint-Gédéon. Je te dirais que 1960-70, des équipes locales, à partir de 1970-80, c'est la bonne partie du ballon sur glace qui s'est déroulée. Et une formation de Saint-Gédéon qui était très puissante à cette OK. époque. Là, OK. Alors, OK, ben écoutez, les Lions de Saint-Gédéon, on n'en dira pas beaucoup plus que c'était la meilleure équipe au hockey intermédiaire dans la région. Les Lions de Saint-Gédéon, en fait, on a eu l'occasion de jaser vendredi dernier avec parmi les meilleurs joueurs, il y avait Henri Néron, il y avait Rosier Néron, il y avait Camille Tremblay, il y avait Gilles Ouellet, il y avait Alain Ouellet, il y avait Claude Drolette. Il y avait une série de bons joueurs qui étaient tous présents la semaine dernière. Il y en a quelques-uns qui, malheureusement, ont disparu. Donc, ils ont formé une excellente équipe qui ont dominé la région pendant plusieurs années. Okay. Et la Balmol. Les années 60 et 67. Donc, et la Balmol. La Balmol, ben, en fait, il y a deux étapes particulières. L'étape de la Ligue de Balle-Lente Sporama, okay. Que je décris les péripéties, entre autres, parce que l'équipe de Saint-Julien y a figuré pendant 3 ans. Une grande rivalité avec les produits Mistouk de Saint-Cœur-de-Marie à cette époque-là. Mais ce sont ces deux équipes-là qui se sont partagées les honneurs pendant la présence de Saint-Gédéon. On avait avec nous à ce moment-là Denis Lebel, qui a été député, qui a joué avec nous pendant ces années, ces belles années de balle à Saint-Gédéon. Par la suite, la grande période de balle molle qui s'est déroulée a lieu entre 1996 et 2006, une dizaine d'années auxquelles Saint-Gédéon a été, je pense, a bien reçu. En fait, les joueurs, il y avait un calibre de niveau régional. Il y avait 4 équipes à Saint-Gédéon qui ont bien figuré. En fait, c'est une ligue, la meilleure ligue de la région se retrouvait à Saint-Gédéon. Okay. Et c'était les joueurs du secteur d'Alma, secteur sud, ainsi qui y figuraient. Mais ça a été les belles années de la Balmol à Saint-Gédéon. OK. Ben, c'est en vente un peu partout, j'imagine, à Saint-Gédéon, c'est ça? Actuellement, je vais te dire que j'avais au départ une couple de 100 exemplaires. Actuellement, ils sont presque tous liquidés. Je suis en discussion avec l'imprimerie. Je vais voir si la demande, si les gens en... C'est sûr que je pourrais en revendre d'autres. Par contre, je ne sais pas si je vais faire le mouvement. C'est des coûts importants. Puis sur pré-réservation, en fait, peut-être que je pourrais y aller, mais actuellement, là, on est en train d'analyser cette partie-là. C'est vraiment un projet. C'est un livre. C'est un livre que tous les sportifs de Lac-Saint-Jean-Est, ça sort du marché de Saint-Gédéon. Okay. Donc, c'est un livre que les gens devraient se procurer. Mais ils peuvent me rejoindre, par contre, s'ils en veulent des exemplaires. Nous, on va évaluer, voir la faisabilité d'une deuxième impression. Okay. Ils peuvent me rejoindre par courriel michel.simard99@commercialgmail.com okay. ou par ma page Facebook. Okay. Ben Michel, on va te souhaiter la meilleure des chances. Très belle initiative. Au plaisir de se reparler dans un autre contexte. OK, merci beaucoup, Dan. Michel Simard, qui a imprimé un livre, qui a fait un livre sur l'histoire du sport à Saint-Gédéon.